rassembler. Et nous sommes là pour ça. Ouais. Thank you. Ok, on va maintenant vous parler d'un gars qui habite à Lyon, que vous avez peut-être croisé. Et bon, c'est vrai qu'il est pas. Enfin, vous allez vous juger par vous-même. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que. Merci. Let's go. sol, sol, sol, sol. Thank you. Thank you. Je reste bon.